Pour résumer, juste les aménagements qui ont été faits, c'est créer cette digue insubmersible ici qui est beaucoup plus importante, beaucoup plus haute. Ouais, c'est les aménagements. Donc ça, c'est fait directement après. La création d'une nouvelle digue ici au niveau de la Guillotière. Ça, cette espèce de chemin de ronde là, qu'on avait fait, on le démolit considérant qu'il n'a pas d'efficacité. Et après, on exauce tous les quais. Et un autre phénomène très important qui sont les ponts. En fait, les ponts, pendant ces crues, ont vraiment fait barrage parce que l'eau est montée et ensuite elle a été bloquée. Donc l'eau a monté et hop, elle est passée par-dessus le pont. Et du coup, c'était surélever les ponts pour que même en cas de crue, l'eau puisse continuer dessous et que ce n'est pas un rôle de barrage ou de blocage. Et ce que je vous racontais, l'autre mesure extrêmement importante qui est ici considérer qu'on maîtrise l'urbanisation pour maintenir une zone d'expansion des crues. Et ce qui est l'objet de beaucoup de tensions hein, entre les collectivités sur « mais nous, on nous sacrifie au profit du centre-ville » et entre territoires. Par exemple, les villes du sud, Vaison-la-Romaine, etc., se sentent sacrifiées parce que si ici on endigue, ça veut dire que l'eau va avoir besoin de s'étaler plus loin et c'est l'aval de Lyon qui subit. Donc il y a tous ces enjeux qui sont importants de solidarité territoriale, c'est-à-dire si on aménage ici, eh ben, quid des autres en dessous. Vous n'avez pas eu l'idée de faire un canal qui contournerait en partie Lyon ? Ah, je ne suis pas au courant. Berlier s'était installé justement, il était au bord du canal. Ouais. Essentiellement des digues, est-ce que le dragage des lits peut aider à... Oui, ça a été fait aussi. C'est-à-dire qu'on a aussi... Il y a beaucoup d'aménagements qui ont piété sur le cours du fleuve, notamment le Rhône. Par exemple l'autoroute, qui est sur des anciennes digues, mais qu'on a élargie. Donc ça veut dire qu'il y a moins de place pour l'eau pour circuler. Et donc il y a eu aussi ces travaux d'aller creuser le lit du fleuve, qui en plus a tendance à s'ensabler, il y a des gravières qui se font. Est-ce que c'est